qu'elle est belle, qu'elle a les yeux d'Adjani, qu'il est vraiment fou d'elle, qu'elle est la femme de sa vie. Elle se laisse séduire, flirter avec l'interdit. Elle aime à en mourir, pour lui déjà c'est fini. C'est du bluff, c'est du vent, les amours en intérim. C'est un jeu où l'on ment, où il y a toujours une victime. Une plage de sentiments, un océan de déprime. Et des larmes en gros plan, on voudrait changer de film. Les sentiments à la menthe, des mecs qu'on sème en pimente. Laisse le regard égaré, des filles au cœur déchiré. Les sentiments à la menthe, des filles aux envies démentes. Laisse les Il lui tombe dans les bras, Jimmy l'aime à 100 à l'heure. C'est la Dolce Vita, il n'a plus qu'elle dans les yeux. Le scénario ne dit pas que pour elle ce n'est qu'un jeu. Il lui dit qu'elle est belle, qu'elle a les yeux d'Adjani, qu'il est vraiment fou d'elle, qu'elle est la femme de sa vie. Se laisse séduire, flirter avec l'interdit. Elle aime à en mourir, pour lui déjà c'est fini. Les sentiments.